Le bon Dieu défine vingt ciel avec la terre. Les patriotes y ont encore pour le faire. Les créer l'homme à son image. Les balayer comme compagnie. Les mettre en paradis terrestre. Ils n'ont pas souffri, ils n'ont pas grand goût. Les baillots ont pris défendu. Sinon, manger, on va pêcher. Satan te jaloux son rêve. Mais les diens pour qu'ils ne pas manger. Eve dit non, non, bon Dieu, pas v'lé. Sinon, manger, on a désobéi. Adam, pas tout là, l'ivine rivée. Eve dit manger et puis goûter. Adam dit non, non, bon Dieu, pas v'lé. Sinon manger, n'a va péché. À peine goûter, puis valer. Bon Dieu paraît la contrôler. La désobéissance, Satan et Ève. N'aurait laissé à péché mortel. La malédiction vient résailler. Bon Dieu chasse nos paradis terrestres. N'a pas souffrir, n'a pas grand goût. De ça. À la suite de ton fond, n'a pas manger. Quelques jours après, bon Dieu arrivé. Elle dit Noé, bâti on lâche. Famille Noé, pas de gens péché. Mais gon délige qu'a pour arriver. La pluie tombe 40 jours, 40 nuits. N'aurait laissé un délige universel. Famille Noé, pas de jambe péché. Priez bon Dieu pour y sauver. Noé fait ça, vie regarder. Descendez. Descendez l'arche. Pas mon bon Dieu, était paix.